On va parler de cyclisme avec notre ami Victor Véro, qui est actuellement en camp d'entraînement un peu partout. Je l'ai vu, on le voit sur les médias sociaux, sa saison est déjà débutée. Question de savoir un peu comment que ça se passe. On lui parle. Salut Victor. Bonjour. Victor, est-ce qu'on peut parler de camp d'entraînement? Est-ce qu'on peut parler... Là, tu es dans l'ouest du pays actuellement. C'est quoi, en fait? Parce que je sais que tu as déjà des compétitions faites, puis ça va super bien. Est-ce qu'on peut parler de début de saison ou de camp d'entraînement? Ouais, ben comme tu disais, là, au début, ça fait environ 3 semaines que je suis parti. Okay. J'ai fait environ 1 semaine et demie de camp d'entraînement pour m'habituer là, à faire un peu de montagne puis à se remettre dedans en début d'année. Là. Ouais. Puis après ça, j'ai quitté pour les États-Unis pour aller faire deux fins de semaine de compétition là-bas aux États-Unis, qui étaient mes premières courses de la saison. OK. Puis là, je reviens à Victoria encore 1 semaine pour la première Coupe Canada. OK. Donc, est-ce que c'est... là, tu es allé aux États-Unis. C'est-tu tes adversaires, c'est-tu les mêmes sensiblement que tu vois durant la saison ici au Québec? La saison au Québec, pas nécessairement. Pour les courses nationales, par exemple, là, les courses canadiennes, il y a beaucoup de Canadiens qui se sont déplacés aux États-Unis quand même. OK. Puis, mais c'est sûr que la majorité du monde, c'est des Américains. Là. Ouais, ouais. Mais, ouais, puisqu'on va surtout là-bas pour prendre de l'expérience et accumuler des points, là, parce que il y a beaucoup plus de coureurs là, okay. qu'au Canada. C'est-tu plus fort comme calibre? C'est-tu plus... Oui, le calibre est plus fort justement aussi. Ben, c'est dans le monde, vu qu'ils sont beaucoup, là, il y en a toujours des plus forts. Fait que il y en a tous les calibres. Il y en a aussi des plus forts que nous autres, mais il y en a aussi de notre calibre. Puis c'est ça qui est le fun là, de pouvoir courir avec autant de personnes. On était à 100, là, par exemple, en fin de semaine à notre départ. 100 déjà, puis normalement c'est quoi? 30, 25, 30? C'est quoi durant ces jours? Ouais, au Canada, là. Au Canada, dans les Coupes Canada, ça peut virer environ entre 30 et 40. Là. Ouais, c'est à peu près ça. Okay. Donc c'est beaucoup mieux. Est-ce que les pistes les connaissent? Est-ce que c'est des pistes qui sont plus dures peut-être qu'au Québec ou même en Ontario ou en Colombie-Britannique? Non, contrairement à ça, c'est des pistes plutôt relativement faciles au niveau technique. Okay. Ils ont beaucoup de... Les montagnes rocheuses, c'est plus sableux. Il y a des roches à quelques endroits, mais pas beaucoup. Puis c'est beaucoup plus... c'est du roulant, là, les courses là-bas. Là. OK, OK. Donc, mais là, j'imagine qu'en Colombie-Britannique, t'es en altitude aussi, j'imagine? Oui, puis ici, en Colombie-Britannique, les parcours sont plus difficiles. Puis les montagnes, puis les... On voit qu'il y a du dénivelé ici. Là. OK. Avant chaque compétition, donc là, j'imagine, là je t'ai rejoué un matin, tu étais aux États-Unis, tu es arrivé à BC actuellement. Avant chaque compétition, j'imagine que tu t'entraînes? Oui, comme là, exactement. Là, dans le fond, là, j'ai toute la semaine pour me préparer pour ma compétition. Je vais pouvoir aller faire le tour, pratiquer les obstacles que j'ai plus de difficultés, analyser un peu le parcours, où est-ce que je vais pouvoir boire, puis se pratiquer dans le parcours pour vraiment arriver prêt là, la journée de la course. Là. OK. Dis-moi, Victor, est-ce que, si on parlait un peu de tes... Donc, c'est la première Coupe Canada, en fait, qui va avoir lieu en fin de semaine en Colombie-Britannique. C'est pas mal les mêmes athlètes, par exemple, que tu vois l'été. Hein? Oui, exactement. Là, c'est... Il va même, à cette compétition-là, il va y avoir quelques Québécois là, qui vont s'en déplacer pour venir ici. Puis même pour nous autres, pour tous les Canadiens, là, c'est comme un début de saison un peu hâtif. Ouais. Surtout, tu sais, le monde du BC, ici, il n'y a pas beaucoup de neige. Il n'y a presque pas de neige, même. Mais ouais. Chez nous, là, au Québec, là, puis en Ontario, il y a de la neige quand même. Fait que pour nous autres, c'est plus hâtif. Mais ça va être en majorité là, toutes les mêmes Canadiens là, que je vais compétitionner contre là, toute l'année. Là. Puis toi, ça a bien été au camp d'entraînement, je pense. Les deux épreuves que tu as faites, j'ai été vu sur les médias sociaux, tu disais que c'était bien, ça a bien été pour les deux premières. Oui, ben justement, là, la première fin de semaine, il y avait un short track puis un XCO. OK. Puis au XCO, le XCO était le samedi. Puis j'ai bien fait au XCO, mais jusqu'au troisième tour, ça allait bien, puis j'ai flatté, malheureusement, au troisième tour, à la fin du troisième tour. OK. Puis vu que j'ai perdu beaucoup de temps avec mon flat, la règle, il y a la règle du 80%, là, si le meneur, il y a plus que 80% du tour, ben tu fais comme, t'es forcé à l'abandon, dans le fond, pour pas que le meneur ait besoin de redépasser tout le monde, admettons. Okay. S'il vient aller trop vite, là. Fait que à cause de mon flat, là, j'ai perdu des minutes, puis j'ai été obligé de me faire sortir. Donc, j'ai pas pu finir la course. Ça m'a mis... J'ai terminé 59e quand même. OK. Parce que, tu sais, on a quand même le classement là, que de l'ordre des personnes. Après ça, au short track, j'ai fini 31e. Ça, c'était une belle performance. J'étais bien content. Okay. Là, la fin de semaine qui vient juste de terminer, là, du 23-24, il y avait le short track le vendredi. C'était une formule différente. Le short track était avant, puis le XCO après. Okay. Au short track, j'ai fait une 20e position, qui est encore c'est une amélioration comparée à la semaine passée. Puis à OXCO, ça a très bien été aussi. J'ai terminé 21e. Okay, sur 98, là. Fait ah, que, c'est très bon. C'est un peloton relevé, là, ouais. Très content de ma performance. Aux États-Unis, est-ce qu'ils sont vraiment les coéquipiers ou encore les cyclistes, est-ce qu'ils sont mieux outillés que toi? Sont-ils plus habitués? Ils ont-ils plus d'argent? Comment ils sont? Ben, l'avantage qu'ils ont, là, c'est surtout qu'ils roulent à l'année. C'est ça que nous autres, on n'a pas. Mm. Tu sais, mettons, eux autres, au mois de janvier, ils roulent, puis il fait 20 encore dehors, puis ils peuvent faire du vélo de montagne à l'année. Tandis que nous autres, tu sais, vélo intérieur, ben là, veut pas, on peut pas faire un 4 heures ben, vraiment sur le vélo intérieur, tandis que eux autres, ils peuvent aller à l'extérieur, c'est beaucoup plus spécifique. Puis, tu sais, c'est la majeure avantage qu'ils ont, c'est celle-là, là, c'est de pouvoir rouler à l'année, là, à l'extérieur. Là. OK. Je t'ai vu passer sur les médias sociaux une nouvelle comme de quoi que ben, tu as participé à la compétition de Fat Bike cet hiver au lac Saint-Jean. C'était la traversée du lac Saint-Jean. Comment t'as trouvé ça? C'est une belle expérience. Là. Ça va faire 4 ans que je la faisais. OK. Puis je pense que cette année, là, c'est une des années les plus dures que j'ai vécues. On a eu beaucoup de vent. Puis la neige dans les jours précédents la course là qui a compliqué la tâche là, parce qu'avec les vents, ils vendaient à plus de 60 km/h. Fait que on pouvait comme il y avait beau gratter le tracé en avant de nous, avec les vents là, le tracé se remplissait automatiquement, fait qu'on pouvait plus avancer sur notre vélo. Là. OK. Mais ouais, puis là j'ai eu des problèmes un peu avec mes pneus, puis j'avais trop enlevé de pression, puis là mes pneus ils étaient trop tirants. Il a fallu que je regonfle mes pneus, puis ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Là. Quand on dit que la traversée à la nage, Victor, on dit que c'est incroyable comment que c'est dur, comment que c'est pas facile. C'est quand même là tu es en mesure de constater que c'est vraiment pas facile. Le lac Saint-Jean, ça peut changer de minute en minute là. On l'a vu un peu. C'est les nageurs disent l'été, tu l'as vécu en fait. Ouais, puis c'est ça là. Nous autres, on trouve ça dur l'hiver, mais quand on pense aux nageurs qu'ils font l'été, là, moi, je trouve que c'est pas mal moins dur. On a un vélo, puis on est capable d'avancer à 15. On peut quasiment aller jusqu'à 25 km/h, des fois, si ça va bien. Ce qui n'était pas le cas cette année, mais un nageur, là, il y a toujours des vagues. Nous autres, s'il fait beau, il va vanter un petit peu, ça sera pas si pire, mais le nageur, là, ça avance pas mal moins vite à nage qu'en vélo. Là. Okay, fait que okay. Ça doit être toute une aventure. Ouais. Victor, en terminant, pas de problème de santé, ça va bien de ce côté-là. Tout est derrière toi. Oui, la santé, ça va très bien. Là. Je continue ma rémission. Puis tout va très bien jusqu'à maintenant. Là. J'arrive de passer des tests justement avant de partir en voyage. Là. Okay. Puis tout était beau. Okay. Ben, Victor, on va te suivre encore une fois cette année. Il n'y a aucun problème. Au plaisir de se parler. Dès qu'il va y avoir quelque chose, je ne gêne pas. Parfait, merci beaucoup. Voilà, Victor Véraud, le cycliste de Saint-Félix.